Fabio Mazzetto. Fabio à lui-même. Elle était là, et pas un mot de pitié, pas un signe d'attention. Elle assistait froide et morne à ce débat qui me couvrait de ridicule. Et elle est partie dédaigneusement sans dire une parole, riant seulement, sans doute, de ma maladresse et de ma stupidité. « Oh, tu peux te retirer, va, pauvre diable si inventif. Je ne maudis plus ma mauvaise étoile. Et je vais rêver le long de la mer à mon infortune, car je n'ai plus même l'énergie d'être furieux. » Mazzetto. « Seigneur, vous feriez bien d'aller rêver du côté de la Villa Réale. La bouquetière vous attend peut-être encore. » Fabio seul. « En vérité, j'aurais été curieux de rencontrer cette créature et de la traiter comme elle le mérite. Quelle femme est-ce donc que celle qui se prête à une telle manœuvre? Est-ce une niaise enfant à qui l'on a fait la leçon ou quelque effronté qu'on n'a eu que la peine de payer et de mettre en campagne? Mais il faut l'âme d'un Plavalet pour m'avoir jugé digne de donner dans ce piège un instant. » Et pourtant elle ressemble à celle que j'aime. Et moi-même, quand je la rencontrais, voilée, je crus reconnaître sa démarche et le son si pur de sa voix. Allons, il est bientôt 6 heures de nuit. Les derniers promeneurs s'éloignent vers Sainte-Lucie et vers Chiaga. Et les terrasses des maisons se garnissent de monde. À l'heure qu'il est, Marcellis soupe gaiement avec sa conquête facile. Les femmes n'ont d'amour que pour ses débauchés sans cœur.